d'un an noir promène son ombre sous les peupliers près de la rivière. La dame en noir recompte le nombre des jours heureux, c'était hier. Les saisons passées dans le pas vers le pont de pierre. Les gens disent qu'une voix l'appelle, que son royaume est en hiver. La vie ça monte et ça descend. L'amour, la mort, c'est dans le sang. Je file au fil de l'eau et le courant que rien n'arrête entraîne son cœur dans un sanglot. Thank you. Écoute la prière qui glisse à l'année.